Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Quinzième épisode, la contre-révolution à l'œuvre. Jiménez revient donc sur le front d'Aragon, qui reste un lieu de fraternisation et de lutte, malgré tout le désarroi qui y règne. À Barcelone, il avait fait la connaissance de Karl Einstein, qui est, depuis le mois d'août 1936, un conseiller technico-militaire de la colonne d'Urruti. Cet Allemand de 51 ans, historien de l'art, a lâché la plume pour le fusil. Dès son arrivée en Espagne, il offre ses services à Durruti, dont la mort l'affectera beaucoup. Il rédigera et lira à la radio un texte en hommage à ce dernier. Karl Einstein prend très à cœur son engagement auprès des révolutionnaires espagnols. Le 1er mai 1937, il publie, dans le journal des anarcho-syndicalistes allemands, un vibrant article pour relayer les inquiétudes des miliciens du front d'Aragon, qui s'estiment abandonnés. En voici un extrait. Les camarades qui veillent sur le front d'Aragon depuis longtemps réclament combat et marches en avant. Ils veulent à tout prix soulager Madrid. Leur appel n'est pas entendu. Ce front demeure derrière un voile épais, comme enveloppé dans un silence trompeur et une lassitude menaçante. Pourquoi ne veut-on pas s'intéresser vigoureusement à ce front et s'en donner la peine ? Mais l'armement ne parvient toujours pas aux colonnes anarchistes transformées en divisions. Au début du mois de mai, elles sont majoritaires de Teruel jusqu'à Huesca. Puis le rapport de force va vite changer. Intégrées dans la nouvelle armée de l'Est, elles vont devoir obéir aux ordres du général Pozas sous contrôle communiste. Quant à la nouvelle compagnie de choc qui remplace le groupe international, elle n'arrive pas vraiment à se reconstituer. Pablo Vagliasindi, le fasciste dissident, est toujours là et semble rester fidèle à ceux qui sont devenus ses frères d'armes. Mais de nombreux volontaires étrangers ont disparu, notamment les Italiens et les Allemands. Nous y reviendrons. Sur le front de Madrid, la tension s'atténue. Le 10 mars, durant la bataille de Guadalajara, les Italiens des brigades internationales l'emportent sur les Italiens fascistes. La victoire républicaine permet de sauver la capitale une fois encore. Depuis le 20 avril, les franquistes attaquent le Pays Basque et Bilbao. Pour faire diversion, deux offensives républicaines sont déclenchées. Le 31 mai, trois divisions attaquent Ségovie. Mais l'aviation soviétique se révèle inefficace et bombarde même des positions républicaines. Dans la seconde offensive, contre Huesca, à la mi-juin, la brigade Garibaldi, composée d'Italiens et d'Espagnols, intervient. L'attaque vire au désastre. Parmi les 1000 tués, la plupart sont anarchistes. Bilbao tombe le 18 juin et tout laisse à penser que les offensives républicaines sont tardives, malmenées et inutilement meurtrières. Il faut ajouter qu'elles se déroulent dans une ambiance exécrable, comme en témoigne George Orwell dans son hommage à la Catalogne. Dans les semaines qui suivent les journées de mai, qualifiées par la propagande communiste partout dans le monde, d'insurrection fasciste de Barcelone provoquée par les anarchistes et le PUM, la répression politique se déchaîne contre ces derniers. Sur le front, le 16 juin, en pleine offensive, des unités du PUM sont dissoutes ou désarmées et des officiers arrêtés. À Barcelone, des centaines de miliciens en permission, du PUM ou sympathisants, espagnols et surtout étrangers, sont arrêtés et jetés au cachot, d'où beaucoup ne reviendront jamais. Cette terreur stalinienne aura un effet plus démoralisant que celui d'une défaite. et l'on peut en déduire que pour les communistes, la priorité n'est pas de vaincre Franco, mais d'exterminer leurs ennemis politiques. Dix mois durant, depuis le début de la guerre, nous avions stoppé la force de Franco devant Madrid. Nous avions remporté la bataille de Guadalajara. Mais dans l'ensemble, les armées fascistes occupaient les trois quarts du territoire. L'armement italo-allemand, infiniment supérieur pour les troupes de terre, était renforcé par l'aviation italo-allemande, qui presque toujours emportait la décision, malgré le courage et l'esprit d'initiative des combattants républicains. De notre côté, nous parlions bien de l'aide russe, en armes et munitions, mais je dois reconnaître qu'à la fin de juillet 1937, dans le secteur du front où j'étais, nous n'avions encore rien vu. Une seule différence, les fusils de chasse avaient été remis au clou et remplacés par les fusils de guerre Winchester et Lebel. Les premiers venaient du Mexique et les autres de France. Nos mitrailleuses dataient de la guerre 14-18. Tout cela ne nous empêchait pas d'avoir confiance. La révolution perdue, on pouvait encore espérer gagner la guerre. Pour beaucoup d'entre nous, à cet espoir s'ajoutait une autre raison de continuer le combat. La haine que l'on ressentait pour les auteurs des massacres de Badajoz, Malaga, pour ceux qui avaient rasé Guernica, qui bombardaient les villes et les villages avec des avions fournis par Hitler et Mussolini. Le retour sur le front d'Aragon avec mes amis me retrempa dans cette atmosphère de lutte et de rage retenue qui régnait parmi les miliciens qui garnissaient les premières lignes. La militarisation des centuries avait donné pour résultat de rendre le secteur complètement calme. Les unités régulières ne faisaient d'autres mouvements que ceux ordonnés par le QG. Relève des tours de garde ou marches d'entraînement, tout le monde rongeait son frein et attendait le moment où l'on pourrait bondir en avant. Au groupe, nous échappâmes de peu à la règle générale. Nous étions assez souvent chargés de missions de reconnaissance. Et seulement une fois, nous fîmes une tentative d'attaque sur Quinto de Ebro. De Belilla, où nous traversâmes le fleuve, nous nous dirigeâmes vers le village en espérant le surprendre. Mais cet essai échoua. Le seul souvenir qui me reste de ces 24 heures passées est le cri poussé par un homme blessé à mort. Et que je crois entendre encore quand dans un cinéma ou à la télévision, je regarde un film de guerre où l'on voit des hommes tomber sur des champs de bataille. Mama, mama. Ce nom lancé à travers l'espace comme un dernier appel au secours. Ou bien murmuré dans un dernier souffle. Combien de fois l'ai-je entendu? Je ne sais plus. Pourtant, je me souviens de celui-là. Peut-être parce que la journée était belle. Peut-être parce qu'on en croyait que, après une première escarmouche, déjà terminé depuis longtemps, on ne courait plus aucun danger et que le bruit de la guerre s'était tu. Un peu en arrière de nos lignes, allongés par terre, Lorenzo et moi observions les positions ennemies. Rien ne bougeait. Le soleil, presque au zénith, inondait de ses brûlants rayons la plaine et engourdissait les hommes, fatigués par une nuit sans sommeil. Puis ce fut ce cri qui éclata, violent, désespéré, brisant l'envoûtement et nous rappelant à la réalité. Le silence retomba sur nous, lourd de menaces et de dangers. Un homme était mort. Il avait traversé l'Italie, la France et une bonne partie de l'Espagne pour venir terminer son existence sur la terre aragonaise. J'ai dit que c'était le seul souvenir de cette expédition, mais je me suis trompé. Un autre remonte à ma mémoire. Quelques heures plus tard, après que nous ayons été relevés de notre poste d'observation, nous nous reposions de notre longue pause, en position horizontale, en faisant quelques mouvements de gymnastique. Lorsque nous entendîmes un bruit lointain de moteur, les avions. Las Tres Maria, venant de Saragosse. Ils venaient prêter main forte aux fantassins qui défendaient Quinto. C'était la première fois que je voyais les avions à l'œuvre. J'avais bien entendu parler des trois maris qui sillonnaient le ciel, bombardant parfois nos lignes. Mais je ne m'étais jamais trouvé aux premières loges. Couchés sur le dos, les yeux rivés sur les trois engins volants, nous les regardions s'avancer. Après avoir décrit un grand cercle au-dessus de nous, ils commencèrent leur travail. Ils commencèrent à une extrémité de notre dispositif. Nous voyions les bombes briller aux rayons du soleil dans leur chute, avant qu'elles n'éclatent au contact du sol dans un bruit de tonnerre. Formant un triangle, les avions venaient vers nous, se vidant de la charge qui les alourdissait. Et voilà sur nous. Un éclair d'argent fonça dans notre direction avec un sifflement aigu. Je fermai les yeux et entendis un choc sourd. Quand je réouvris les yeux, Lorenzo me regardait, puis se tourna pour voir derrière nos têtes. Je fis de même. La bombe était là, à moins d'un mètre de nous. Fichée par terre, et ses ailettes vibraient encore. Sans échanger un mot, pris par une peur panique, nous bondîmes sur nos pieds et fonçâmes loin, à toute vitesse. Le lendemain, une fois rentrés à Belleia, nous racontâmes à nos amis notre aventure. Nous rîmes comme des fous de notre peur. Lorenzo proposa à Paolo de remplacer les estafettes à cheval du groupe et le motard par un couple d'agents de liaison, capables de battre à la course n'importe qui. Car, disait-il, nous avions battu tous les records de course à pied depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Sa façon de raconter et de se moquer de nous-mêmes était telle que j'étais le premier à rire. Cette opération fut la seule de quelque importance que Pablo mit en exécution quelques jours après notre retour au front. Elle se solda par un échec. Quand nous retournâmes à Farlette, où nous reprîmes la vie de château, de vraies vacances, agrémentées parfois de promenades nocturnes chez les gens d'en face, nous attendaient. Une chance insolente paraissait nous accompagner, mes deux amis et moi. Nous rentrions toujours de nos expéditions sans perte, et parfois avec des prises de guerre, armes d'origine allemande ou italienne. Une fois, nous ramenâmes avec nous quatre jeunes gens. Nous étions partis avec un jeune Espagnol, originaire des environs de Saragosse, avec pour mission de reconnaître la position et la force d'une concentration d'artillerie qui avait été signalée au QG. Tout se déroula bien, sauf une anicroche. Le jour nous surprit sur le chemin du retour. Nous n'avions d'autre recours que de nous cacher et d'attendre la nuit. Notre guide nous conduisit sur un petit plateau recouvert de thym, de romarin et de genêt. Au loin, nous apercevions les toits d'une ferme. Le copain nous dit qu'il désirait aller embrasser sa mère, qui vivait dans une des maisons que l'on voyait, et qu'il serait de retour à la nuit. Il nous quitta après s'être débarrassé de son lourd armement, fusil et grenades. Jamais journée ne me parut aussi longue. Tous nos sens étaient en alerte. Le moindre bruit, l'ombre d'un oiseau nous faisait sursauter. Nous avions les nerfs tendus à craquer, mais tout restait calme. Le soleil continuait sa course, trollant à notre gré vers le zénith. L'après-midi se passa un peu mieux, au moins pour moi, car après avoir mangé quelques biscuits et vidé ma gourde, je m'étais endormi. À mon réveil, le soleil était bas, au couchant. La journée s'achevait. Bientôt nous pourrions reprendre notre marche. La nuit recouvrit la terre de ténèbres. Déjà plus rassurés, nous décidâmes d'attendre une heure notre camarade avant de nous mettre en route. Nous allions partir lorsqu'il arriva, mais il n'était pas seul. Quatre adolescents, des garçons, l'accompagnaient, chargés de baluchons. Notre guide nous expliqua qu'ils désiraient passer chez nous, qu'ils étaient des parents à lui. Avant l'aube, nous étions de retour à notre base. Ce ne fut que le lendemain que nous eûmes la surprise de voir notre guide se promener, fier comme Artaban, au bras d'une superbe fille, qu'il nous présenta comme étant sa femme. Il y avait également trois autres jeunes filles, plus jeunes, deux belles sœurs et une cousine. Les quatre jeunes que nous avions pris pour des garçons étaient en réalité des femmes. Ils ne nous avaient pas dévoilé leur sexe, par peur que nous refusions de les emmener, vu les dangers que nous pouvions rencontrer sur notre chemin. On fêta la réussite de son plan en riant de la ruse et de notre ingénuité, car aucun de nous n'avait eu de doute sur la véritable identité de nos compagnons de la dernière heure. On devint vite inséparables. Une étrange amitié naquit entre nous, faite de tendresse, de confiance, et pour nous de respect pour leur jeunesse. Nous nous efforcions, dans nos propos et dans nos gestes, de ne pas les troubler, ni de leur faire croire qu'elles étaient à nos yeux des femmes. Nous les traitions comme si elles avaient été des gamines. Conchita, Asunción, Rosita, 16, 18, 19 ans. Dès les premiers jours, nous avions pris en commun une décision. Les petites ne devaient être pour nous que des copines, des jeunes camarades. Nous nous étions jurés de ne pas profiter de l'attachement qu'elles nous manifestaient, avec une spontanéité vraiment touchante. Surtout depuis que Francisco, leur beau-frère et cousin, accompagné de sa femme Pilar, avait rejoint son unité. Elle nous attendait parfois la nuit entière. Quand nous étions de service, elle nous suivait aux séances d'entraînement, se forçant à nous suivre dans les mêmes exercices que nous, avec une telle volonté que bientôt, elles surent se servir d'un fusil ou d'un pistolet, lancer des grenades et se faufiler en rampant au travers des buissons. Autant, durant les heures de travail, elles étaient calmes, sérieuses et appliquées, autant dès que l'entraînement était terminé et que l'on prenait le chemin du retour, elles devenaient gaies et moqueuses, riant de tout et de rien. Elles se chamaillaient entre elles pour avoir le plaisir de se blottir contre nous, en nous appelant au secours dans leur querelle pour rire. Combien de fois nous sommes-nous promenés autour de Farlette et Upina? Parfois Otto, Ritter ou Mario se joignaient à nous et les assaillaient de questions sur leur pays, leur famille. Ils répondaient en riant et parfois ils se moquaient d'elles, surtout Mario. Une fois, je ne me souviens plus laquelle lui demanda comment il s'appelait. Mario répondit « Niña, je ne m'appelle pas. Les gens, quand ils ont besoin de moi, m'appellent Mario. » Une autre fois, nous discutions sur la sincérité des opinions politiques d'un copain. Mario, après avoir écouté en silence notre argumentation, sortit de sa musette une bouteille soigneusement bouchée et nous demanda ce qu'elle contenait. Son étiquette mentionnait cognac, avec 3 étoiles. La bouteille paraissait neuve. Le bouchon effleurait à peine le goulot. C'est du cognac. Sérieux comme un pape, il déboucha le flacon et le tendit aux filles en disant « Honneur aux dames, goûtez les premières !» Conchita, plus rapide, s'en empara et la porta à ses lèvres. « C'est de l'eau !» « Oui, c'est de l'eau. Voyez-vous, les hommes sont comme cette bouteille. D'abord, elle a contenu du cognac, puis du vin, et à présent de l'eau. L'étiquette est restée, mais on aurait pu la changer. Les hommes, c'est pareil. Ils changent au cours de leur vie. Certains révolutionnaires d'aujourd'hui seront conservateurs demain si leur condition économique a changé. Les uns changeront d'étiquette, d'autres de contenu idéologique si leur intérêt personnel est en jeu. On ne peut pas dire qu'un individu a été ou non fidèle à son idéal premier avant qu'il ne soit mort. C'est à ce moment seulement que l'on pourra voir s'il a trahi ou respecté ses idées, car on saura comment il a vécu. Parmi la faune humaine, il y a un genre très dangereux pour les classes ouvrières et paysannes, l'homme politique. L'homme politique de gauche, celui qui nous demande notre appui pour conquérir le pouvoir, et qui, lorsqu'il arrive à s'asseoir au gouvernement, oublie les promesses et devient le défenseur le plus ferme des privilèges qu'il combattait naguère. Un prolétaire qui milite dans un mouvement révolutionnaire pour conquérir son droit à une vie plus aisée, s'il a la chance de devenir patron ou rentier, se transforme en bourgeois conservateur. Les partis politiques suivent le même chemin, républicains, socialistes, communistes, dès qu'ils deviennent majoritaires et prennent la direction d'un pays, oublient leur finalité première pour devenir les plus durs défenseurs d'un régime qu'ils combattaient lorsqu'ils étaient en dehors de l'équipe dirigeante. Mussolini, socialiste, pressé de prendre le pouvoir, se vend au capitalisme et, grâce à la veulerie des élus du peuple, impose sa dictature en Italie. Léon Blum, socialiste à la tête du gouvernement français, fait voter la loi de non-intervention mais permet à Hitler et à Mussolini d'envoyer leurs armées en Espagne. Le pouvoir corrompt les hommes et les idées. Le socialisme de Jaurès n'est pas le même que celui de Blum. Les républicains de la Commune n'ont pas les mêmes buts que ceux de la Troisième République. Les révolutionnaires se transforment en farouches conservateurs ou réactionnaires. Les paysans et les ouvriers doivent leur arracher, bribe par bribe, leurs droits au bien-être et à la liberté. Kropotkine, Reclus, Pietro Gori ont renoncé aux privilèges de leur classe pour défendre et propager cet idéal d'égalité et de liberté totale que nous essayons de réaliser ici. Mario aimait parler. Pendant 15 ans, il avait réfléchi dans une cellule de prison. Il se rattrapait de 3 lustres de silence, et nous l'écoutions sans rien dire, car ses paroles avaient une étrange résonance en fond de nous-mêmes. J'ai dit qu'il aimait parler. C'est vrai, mais seulement lorsqu'il était sollicité. Nous aimions l'inciter à nous développer ses idées, ses points de vue, sa façon de voir et de résoudre certains problèmes sociaux. Une fois, je ne me souviens plus qui affirma que les différences sociales existeraient toujours, même si on instaurait une société plus libre. Un manœuvre serait inférieur, économiquement parlant, à un ingénieur, les besoins et la culture n'étant pas les mêmes. Avec l'aide de quelques copains, j'essayais de réfuter ses arguments, en réclamant le droit à la plus stricte égalité. Mais mon adversaire trouvait toujours de nouveaux raisonnements pour me contrer. J'allais me déclarer vaincu par sa dialectique, lorsque Mario, qui nous avait écoutés sans souffler un mot, se leva et dit « Camarade, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Tu es un intellectuel, tu as fait des études. Ici, nous sommes tous des gens du peuple. Bergers, ouvriers, paysans, pas beaucoup d'entre nous savent lire et écrire. Tu parais plus intelligent à leurs yeux car tu es plus instruit. Permets-moi de te dire que tu es moins nécessaire à l'humanité que le berger qui chaque matin t'apporte le lait pour ton déjeuner. La structure de la société est la même que celle des temps préhistoriques. Elle est basée sur la force qui était nécessaire pour la survie de l'espèce. Au fil des siècles, au fur et à mesure que la conscience et la connaissance se sont développées, pour consolider la puissance du chef des guerriers, on créa la puissance religieuse et pour finir, on étaya le tout par le plus corrosif des poisons psychiques, l'argent, et son corollaire, la propriété privée. Lentement, au cours des siècles, l'humanité a progressé. L'esclave des premiers âges a été remplacé par le salarié. Au temps de l'Empire romain, le rêve de l'esclave était de pouvoir se racheter et redevenir un homme libre. Aujourd'hui, celui du prolétaire est de gravir les échelons de l'échelle sociale. Si ce n'est pas pour lui-même, c'est pour sa progéniture. Un manœuvre rêve que son fils devienne ouvrier, celui-ci que son enfant soit un jour employé de bureau ou instituteur. Tous les partis politiques dits révolutionnaires clament qu'ils veulent renverser cette échelle, la retourner sans dessus-dessous. Moi, je me bats, ne vous en déplaise, non pas pour la retourner, mais pour la coucher bien à plat, pour que tous ces échelons soient sur le même plan. Oui, sur le même plan, car je trouve aberrant que les métiers les plus utiles, ceux dont personne ne peut se passer, soient les plus méprisés, les moins considérés. Que les classes qui ne produisent rien, celles qui sont aujourd'hui tout en haut de l'échelle sociale et dont l'utilité est artificiellement créée, dominent et écrasent toutes les autres. L'humanité n'a pas besoin pour vivre et prospérer de banquiers, d'avocats, de militaires, de policiers. Elle a besoin d'agriculteurs, de mineurs, d'ouvriers d'abord, et ensuite d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens. Depuis des millénaires, la lutte s'est engagée entre les tenants du pouvoir et les parias qui triment pour que l'humanité avance vers la justice, l'égalité et l'amour entre tous les individus. Même le christianisme, à ses débuts, était communautaire. Les riches convertis devaient donner leur fortune à la communauté. Au fur et à mesure qu'elle s'est développée, qu'elle a pris assez de force pour prendre le pouvoir, elle s'est corrompue et aujourd'hui, avec sa puissance spirituelle basée sur l'ignorance des masses, freine la progression des hommes vers la liberté. Pourquoi toutes les philosophies, toutes les révolutions motivées sur le droit à l'égalité, à la justice et à la liberté des individus ont-elles échoué? Pour une raison très simple. On a toujours essayé de combattre les faits sans en rechercher et éliminer les causes. Cette cause s'appelle « propriété » et son virus est l'argent sous n'importe quelle forme, métal ou chiffon de papier. Tant que l'on n'aura pas aboli la propriété, qu'elle soit individuelle ou d'État, il n'y aura ni justice ni égalité entre les hommes. Je me bats pour une société où seul le travail de chacun aura de la valeur et permettra à tous de vivre libres et égaux. Nous sommes tous, depuis notre plus jeune âge, habitués à penser, non pas à ce qui est le plus utile à la vie, mais à ce qui nous rapportera le plus d'argent pour nous permettre de satisfaire nos désirs ou tout simplement pour mieux vivre. Pour arriver à la richesse, tous les moyens sont bons. L'assassinat, le vol, la prostitution, l'escroquerie. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une jungle et nous nous prétendons civilisés. Nous ne le serons vraiment que lorsque chacun pourra choisir, dans les métiers nécessaires à la collectivité, celui qui lui plaira le plus en sachant que cela lui permettra de vivre sa vie en pleine liberté, étant l'égal de tous les autres. Ainsi parlait Mario. Nous l'écoutions en approuvant ses idées. Parfois, un des présents lui portait la contradiction, davantage pour l'inciter à développer son raisonnement que pour réfuter ses arguments. En effet, ses paroles évoquaient pour nous la réalisation d'un monde où la misère et les inégalités sociales seraient exclues. Beaucoup plus tard, en abattant les taillis des bords de la Vézère, j'ai pensé à mon ami, et j'ai reconnu que comme un bûcheron, il avait débroussaillé mon cerveau, l'avait patiemment nettoyé de toutes les ronces qui étouffaient le désir de liberté, qui anime la jeunesse et qui nous poussait à la révolte, souvent aveugle et inconsciente, contre l'injustice sociale. La vie de Mario est très significative du parcours de ces anarchistes italiens, traqués et emprisonnés depuis des décennies dans leur pays, et qui ont fondé de grands espoirs sur la Révolution espagnole. Mais la section italienne de la colonne Ascaso, opposée à la militarisation, s'est dissoute en avril après de nombreuses pertes au combat. Une partie de ses membres rentre en France pour y poursuivre des activités de soutien. D'autres intègrent le bataillon Garibaldi de la 12e brigade internationale stationnée à Huesca ou continuent à se battre dans la 26e division d'Urruti. Parmi les Italiens engagés dans la bataille de Barcelone, Ferrari et De Peretti sont arrêtés et fusillés par les communistes. Avec la mort de Berneri, cela va porter un coup fatal à la colonie italienne en Espagne. À partir du mois de juin, la police barcelonaise, noyautée par les staliniens et ne rendant de comptes à personne, intensifie l'offensive contre-révolutionnaire, commencée en mai. Tout est prétexte à traquer dans les rues les militants des jeunesses libertaires ou les amigos de Durruti, sans oublier les communistes oppositionnels. Restitution des armes, mobilisation militaire, vérification des papiers. Les locaux et lieux de rassemblement des groupes et syndicats critiquant le gouvernement sont détruits et les proscrits doivent se cacher où ils peuvent dans la ville. Les anarchistes allemands vont payer un lourd tribut pendant cette chasse aux sorcières et de nombreux militants du groupe de Pina vont croupir dans les prisons officielles ou clandestines de la GPU jusqu'en avril 1938. Ils sont parmi les rares à avoir déployé des drapeaux pendant l'enterrement de Berneri et de ses trois autres camarades, malgré l'interdiction de la CNT. Mais les plus visés parmi les volontaires étrangers sont les Italiens qui se retrouvent pris entre deux feux, car la police politique mussolinienne les suit pas à pas. D'ailleurs, le 9 juin, Carlo Rosselli, qui avait monté avec Berneri la section italienne de Huesca, est assassiné en France par les fascistes de la cagoule, pour le compte des services italiens. Dans une certaine mesure, la question se pose de savoir si ces derniers ne sont pas aussi intervenus en Espagne pour éliminer des antifascistes. Mais les staliniens ne leur ont-ils pas, en quelque sorte, facilité le travail? En Espagne, c'est le communiste Palmiro Togliatti qui exécute les basses œuvres du Comintern, en accusant ses victimes de collusion avec les fascistes. Quelle ironie! Quand on sait que cet homme est connu dans son pays pour avoir signé en août 1936 avec tout le comité central du Parti communiste italien émigré en France, l'appel aux fascistes, dont voici un extrait. Pour le salut de l'Italie, Réconciliation du peuple italien. La cause de nos maux vient du fait que l'Italie est dominée par une poignée de grands capitalistes. Seule l'union fraternelle du peuple italien obtenue par la réconciliation entre fascistes et non-fascistes pourra abattre la puissance des requins dans notre pays. Les communistes adoptent le programme fasciste de 1919, qui est un programme de paix, de liberté, de défense des intérêts des travailleurs. Peuple italien, fasciste de la vieille garde, jeunes fascistes, luttons ensemble pour la réalisation de ce programme. Cet appel s'inscrit dans une des stratégies géopolitiques de Staline, en prévision du conflit mondial qui s'annonce. Thank you.